Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du très prolongé, il sera plus ou moins lundi, mais peut-être pas, heure avancée de l'Internet. En manchette cette semaine, Narf recherche homme ou femme pour montrer macaron. Le cabanisme pour les nuls. Une toute nouvelle section, on s'excuse d'avance. Et la parole est d'argent, mais le rock est d'or. C'était un jeu de mots avec le rock est d'or. Et voici maintenant votre animateur, le gars qui est plus légendaire que Hercule, plus légendaire encore que la planète Vénus, qui n'est pas vraiment légendaire en fait, mais on s'en fout, mais certainement pas meilleur que Chuck Norris, c'est quand même, et j'ai nommé David, le légendaire. Bon, bonjour à tous et bienvenue à la 10e édition des Podcasts. Je suis David, le légendaire. Il est. Légendaire. En tout cas, la personne qui confirmais. Ça, c'était Nas. C'était moi. Ouais, puis ben, l'autre, c'est Oli. Ouais, celui qu'on n'entend pas, là. Celui qu'on n'entend pas. Fait que c'est le fun, il est invisible, mais on sait qu'il est là, fait qu'on... En tout cas. avant de commencer, j'aimerais vous mentionner, est-ce que vous avez remarqué qu'on a eu un nouveau... On a un nouveau bip sonore, signal non, sonore. Le signal horaire officiel. C'est spécial de dire nouveau, étant donné que c'était jamais le même, là. Ouais, mais là, on en a un nouveau, puis ce qui est le fun, c'est que ça va toujours être le même, fois. Fait qu'on espère que vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, ben, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Baissez le son quand vous arrivez là, puis remontez-la après. Mais ça veut pas être le fun, parce que c'est mou. C'est toujours le fun. Ah oui. C'est moi qui l'ai composé, ce son-là, avec ton Korg DS. Avec mon synthé, puis... Ah. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que... Avec Mario Paint. Non, c'est avec Korg DS, mais pour ceux qui le savent pas, je dis que c'est un synthé. Un synthé pour DS. Ouais. Et puis, c'est un peu moins dur. Et puis, le concept, un peu, c'était comme... C'était du mou, parce que mou, c'est un très drôle de mot. Je pense que sur Google Talk, j'ai dit à Nerf, pour le nouveau signal horaire, là, fais quelque chose de mou. Non, t'as pas dit ça. Ah oui, j'ai dit ça. Non. Ah, oui, ok, oui. On s'en fout. Ouais, parce que ça devient un peu mou. Parce que t'as fini? Oui. Ah ok. Bon ben on va commencer avec la première section qui est parce que là on va essayer de faire un petit peu de suspense parce qu'on a dit dans les manchettes qu'on avait une nouvelle section mais on la présentera pas tout de suite. Ouais. On va juste comme continuer avec nos vieilles sections. Quand on va être rendu, on va vous le dire. Donc maintenant c'est le temps du présent et de l'avenir avec la brigade SNW. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque année, Narf nous fatigue avec son foutu macaron que personne ne sait, mais qui veut nous montrer pareil. Puis là, je sais pas c'est quoi exactement, je sais pas qu'est-ce que tu vas nous dire, mais parle-nous-en. Ok, bon. L'idée, c'est qu'à chaque 17 juin, le 17 juin est une journée spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la journée où Narf porte un macaron spécial. C'est marqué sur votre calendrier, là. C'est comme un... Ça doit... Je pense que c'est férié. Mais ouais. tu peux pas nous dire pourquoi tu portes un macaron spécial cette journée-là? Ça, c'est une surprise. Parce qu'en fait, c'est que... à chaque année, depuis maintenant à peu près 3 ans, je m'arrange tout le temps non, pour... Non, c'est un hasard si tu croises du monde. Tu le disais. Okay. Ça fait pas plus non, que non, 3 non. ans? J'ai invité du monde chez nous, j'allais chez du monde. En tout cas, depuis à peu près 3 ans, j'allais chez du monde où le monde venait chez nous. Le but étant de montrer ce macaron spécial-là. Puis, fait que donc, mettons, voilà 2 ans, j'ai appelé Arnaud, j'ai fait « Arnaud, aujourd'hui est une journée spéciale, je peux-tu venir chez vous? » Il a dit « Ouais. » Fait que là, j'étais allé chez lui, puis là, tout de suite en arrivant, il ouvre la porte, il voit mon macaron spécial, puis là, il a compris qu'aujourd'hui était une journée spéciale. L'année d'avant, c'est Hugo qui était venu chez nous. Puis là, l'année passée, ça a été un hasard parce que j'étais bien parti pour pas le montrer. Sauf qu'on s'est croisés, j'étais dans l'autobus, puis il a pris l'autobus en même temps que moi. Par hasard. Fait que ça a été comme, waouh, qu'est-ce que tu fais là? T'es chanceux, tu vas pouvoir voir mon macaron spécial. Fait que là, en ce moment... Donc j'ai fait partie des 3 chanceux qui ont vu son macaron. Il y a à peu près comme 5 personnes au total qui savent c'est quoi. Cette histoire de macaron spécial là. Et personne des 3 versus. Et Oli le sait pas. Fait que, ben, on le dit pas. Mais j'ai vu le macaron, mais je sais pas c'est quoi. Ben oui, je sais. Non, mais je sais, c'est. Non, tu me l'as pas expliqué. Ben oui, je te l'explique. Non, tu me l'as pas expliqué. C'est juste que tu t'en rappelles plus. C'est quoi l'explication? Ben, je vais pas le dire en onde. On pourrait le couper. Ouais, mais Oli va l'entendre. Oli va chaud les oreilles. Non. Alors, okay. Non, moi, tout ce que je dis, c'est que le 17 juin, c'est-à-dire dans quelques jours éventuellement, tu veux dire, probablement il y a quelques jours. Alors, il y a plusieurs jours. Bon, ben, si c'est passé, je vous souhaite d'être venu me voir pour savoir c'est quoi le secret du macaron spécial. Mais si c'est pas passé, est-ce que tu pourrais dire comment est-ce qu'on pourrait te voir pour voir le macaron? Envoyez-moi un email, puis on va s'arranger pour ça. Faire de quoi? Ça tombe un samedi cette année, fait que. Oh, ben yeah. Non. On devrait être capable de faire de quoi? Il me semble que oui. Il me semble que ça tombe un mercredi. Bon, ouais. Peu importe. En tout cas. Hump day. Donc. Non. Donc, en poursuivant, bon, je sais pas, Nerf, je pense que t'es parti pour parler pas mal dans cette podcast-ci parce qu'on est rendu à ta chronique. Ah, ok. Fait que là, ça c'est pas encore une nouvelle section, sauf que c'est encore Nerf qui va parler, fait que. Je sors mes notes. Bon, c'est. Là, ouais, tes notes, c'est genre le journal. Non, la on dirait, du samedi. On dirait que quand t'as su qu'il fallait que tu fasses une chronique, t'as fait. C'est vendredi 15 mai. Ah, bon. Ça fait longtemps que je veux en parler. Okay. Ça fait longtemps qu'il est temps qu'on fasse un podcast. Fait que c'est quoi le cabanisme, là? Okay. C'est le monde qui mange de la viande. À ne pas se confondre avec le cannibalisme. Ne vends pas mon punch, là. C'est-tu comme des cabanes qui se mangent entre elles? Parce que peu importe. Moi, je voudrais bien répondre à ta question, mais malheureusement, l'ordre de ma chronique implique que je vais parler de complètement d'autres choses pour commencer. Mais tu vas répondre à ma question? Pas de ta carte de l'Amérique du Nord. Bon... Non. Ok. Éventuellement, il y a un certain temps, j'étais en fin de session et j'ai fait un travail sur le film Au clair de la lune de André Forcier. Et donc, dans ce film-là, parmi toutes les affaires que j'ai lues pour pouvoir faire mon travail, j'ai lu une critique d'un gars qui disait que c'était un film qui avait des objets T-pop. Et là, vous me dites, mais Ménard, c'est quoi ça le T-pop? Mais le T-pop, c'était une espèce de courant d'art, mais pas vraiment, dans lequel c'était québécois. Parce que tu n'importe quoi. Non. Parce que les c'est québécois, c'est comme l'art pop, genre. Ça a rapport avec l'art pop. Le mot pop vient de là, mais ça n'a pas rapport. Parce que j'ai entendu dans mon cours d'histoire de l'art que nous autres aussi, on était un peu jaloux. Parce qu'il y avait l'art pop aux États-Unis, il y avait le nouveau réalisme en Europe, mais nous on n'avait rien, puis qu'on s'est comme inventé quelque chose. Ouais, mais c'est pas ça pantoute, parce non. Que tu vas comprendre. C'est le petit pop, c'est comme du pop, mais c'est petit. C'est petit, parce que les Québécois. C'est comme un typo. C'est comme un typo, un petit papier, un petit café, puis un petit service. Tu sais, on est fort. Tu un petit service. Sur les petits. Ouais. Fait que, parce non, c'est on comme est on... pas big, c'est pas un vrai courant, c'est un ouais. Petit courant. C'est comme, non, c'est comme bien ici, Tigui, Tigean. Et puis, Paul. Ce que le. Ben des mois, là. Là, okay. Ça va mal du chronique, va durer 300 millions ouais. D'années, tandis que j'ai pas encore commencé. Oh, fuck. Bon, ben commence. Le gars, ce qu'il disait, c'est que dans le film de Au clair de la lune, on pouvait remarquer qu'il y avait des objets pop. Il y avait comme un. Ben, des objets qui étaient comme dans le film, pas importants. Mais qui, par le film, les rendait comme impressionnants, comme quelque chose qui tenait tout le temps. Entre autres, il y avait une voiture qui avait une importance particulière, étant donné que le gars finissait par habiter dedans. Et donc, ça m'amène à parler d'un autre courant qui était à peu près dans les mêmes années, qui s'appelle le cabanisme. Oh! Oh, le lien, toi! Donc, le cabanisme, ça a été fondé dans les années 60. Par un certain gars qui s'appelait Yvon Chassé. C'est une joke. Non, on va pas faire de mauvais jeu de mots avec son nom. On va pas faire, étant donné que tout le monde. C'est pas son vrai nom. Ben, c'est ça qui est écrit. Mais je veux dire, je pense que si mon nom de famille. Si mon nom de famille c'était Chassé, là, je pense que j'aurais appelé mon fils Yvon pareil. Mais j'avoue, c'est peut-être un nom d'artiste. Ça se peut. Ça se pourrait, étant donné que. Ou peut-être pas. Est-ce que ça fait cabanisme un peu? Ils vont chasser. Oui, oh, c'est comme peut-être. C'est le cabanisme, on pourrait résumer ça, c'est comme de l'art québécois mais comme un peu quétaine. Parce qu'on prend des objets qui sont importants dans notre vie quotidienne de québécois, comme par exemple, évidemment c'était plus comme avant. Là. Alors on a mettons une peinture, c'était une chemise à carreaux toute peinte à la main. qui faisait le fond, et sur le devant on voit une tête d'orignal sur un mur avec un fusil, une carabine pour de chasse. Toutes des choses importantes là. Okay. Fait que c'est, et ensuite il y en avait un autre, là j'ai pas le nom de la personne qui l'a fait, mais ça s'appelait Americanis. C'était une boîte de conserve de sirop d'érable. Comme une canisse. Mais c'est comme un canisse. Peu... Oui, c'est Americanis. Ah, une canisse ou une canette? Ou une canne, c'est Americanis. Mais... C'est parce que tu sais quand t'as le nom. C'est un jeu de mots, ça aussi. Mais c'est ce que ça fait référence à la canne de soupe Campbell de Andy Warhol. Exactement. Hein, c'est ça qu'il disait. Comme l'annonce dans le métro. Mais il y en avait un autre aussi. C'est un lemoine. Lui, c'était trois couleurs, ben bleu, blanc, rouge, mais c'est avec des cannes de sauce à poutine habitant. Fait qu'on voit que c'est un peu comme Warhol, comme le pop art de Warhol, sauf que là, c'est des cannes habitants, comme ce qu'on a ici au Québec. Je trouve que c'est comme la meilleure marque possible pour des cannes de poutine. Mais ça, c'est pas de la soupe au pois qu'ils font habitant. Ensuite, on a un autre artiste qui s'appelait Rose Lafleur. La poutine en canne, yeah. Rose Lafleur. Ok, je pense qu'ils vont se chasser, c'est définitivement pas son vrai nom. Un nom d'artiste, ça aussi. Elle, ce qu'elle a fait, une œuvre, ça s'appelait Nature très très morte. C'est un fond de. C'est comme une nature morte, sauf que là, elle était très très, très morte. Et c'est un fond, c'est une tapisserie fleurie avec en avant-plan un pot de beurre de peanut. Non, c'est juste des pots puis des conserves. Il y avait-tu un sac Ziploc aussi? Ensuite, ça existait peut-être pas. On avait une Marie-Soleil Bordelot. Comme c'est le peintre joke, Louis. Genre. Comment il s'appelait? Pas les mille Bordua. Non, non, ça c'est Bordua. L'autre, là, Bordelot. Non. Peut-être que je me mélange. Je pense que tu te mélanges. Comme la rue, Bordelot. Alors, on a une Marie-Soleil Bordelot qui faisait des couchers de soleil, évidemment, hein? Au bord de l'eau. Oh! Oh! Et on avait un Pierre Laroche qui, lui, faisait je sais pas quoi. Sûrement des roches, hein? Oui, probablement. Et donc, là, bon, je sais pas si vous en êtes rendu compte, là, depuis le début, le cabanisme, en fait, ça existe pas. De quoi ça existe pas? C'est juste comme un journaliste qui a pas réussi à faire des... C'est pas un journaliste, c'est un artiste que je dirais pas son nom. Et c'est ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une exposition qui présentait le cabanisme, et le cabanisme, c'est lui qui a inventé ça. Il a inventé plusieurs artistes qui avaient chacun leur style. Parce que toutes les peintures que je vous ai parlé, ils ont chacun leur style d'artiste différent. Fait que c'est lui qui reproduisait des styles différents pour faire croire à tout le monde que le cabanisme existait. Puis là, tu veux faire un lien entre le cabanisme puis la brigade? Je sais pas, moi je dirais pas ça. C'est juste que... Je trouvais ça vraiment hot qu'un artiste invente un faux courant artistique. Il me semble que c'est le genre de courant qu'on aurait pu voir dans nos cours. Mais là, c'est la même chose, sauf que ça existait pas vraiment. C'est un gars qui a tout inventé. Puis, ça n'a pas vraiment rapport, mais ma sœur a fait un projet similaire dans un de ses cours. C'était le prof qui avait demandé de faire des présentations sur des artistes qui n'existaient pas. Fait qu'avec en équipe, ils ont inventé des artistes. Hey, c'est le fun, ça, parce que d'habitude, moi, je fais le contraire. Ils me demandent de faire des présentations sur quelque chose qui existe, puis je l'invente. Ah! Sauf que là, c'était le prof qui demandait ouais, ça, c'est le fun. C'est enfin, comme... un prof compréhensif. Bon, fait que je pense qu'on peut enfin passer à la super nouvelle méga section qui tue. Bon... Tu sais, on disait dans les manchettes qu'on avait une nouvelle section, puis on s'excusait. Puis là, je veux pas vous le dire tout de suite pourquoi on s'excuse, parce que si je vous le dis, vous allez avoir des attentes. C'est sûr qu'avec ces attentes-là, ben, vous allez comme être déçus. Parce que, tu sais, quand on a trop d'attentes, on est toujours déçus, c'est sûr. Ouais. Fait que là, même si c'est des attentes négatives, vous allez être déçus parce que ce sera pas négatif. Alors, les gars, fait que on part ça, puis on va s'excuser après. Quoi, non, on dit pas c'est quoi. On dit pas c'est quoi, là. Ça nous prendrait une petite musique, genre, pour commencer ça. Bonjour Sylvie, je vous ai apporté du chocolat. Oh non, du chocolat, ça me donne des gaz. Oh, mais alors, voulez-vous avoir des fleurs? Oh non, je suis très très très très très très très allergique. Des saucisses de bord? Oui, j'aime ça les saucisses. Je pique un bâton dedans et je les mets dans ma bouche et ça fait des yeux. Oh, mais bien sûr. Quoi? Oh, excusez-moi, Germain. J'ai trop parlé. Mais qu'arrive-t-il avec votre femme, Germaine? Ah, je ne l'aime plus. Elle est grosse. Elle s'est transformée en baleine? Oui. Oh non, je n'aime pas manger la baleine. Ça ne se pique pas sur un bâton. Je vous hais! Mais Sylvie! Ne criez pas trop fort, ça me donne la migraine. Oh, mais je croyais que ça vous donnait des gaz. Non, vous vous êtes trompé. Zut. Et alors Germain planta la migraine de Sylvie dans la terre, ce qui lui donna une mi-fleur. Il la donna à sa femme, Germaine, qui n'avait pas d'allergie. Elle fut mi-figue, mi-raisin. Fin. Fin. Fin. Segment suivant. Non. Bon. Là, on est déjà rendu à la fin. Faudrait qu'on s'écrive des liens entre les segments. Ben, pas besoin. On est dieux. On est imaginez-vous des petits trucs bleus, là, soulignés. Du texte bleu. C'est un lien. On clique dessus, puis on passe au segment suivant. Oh! Ça aussi, c'est un lien. Ok, en tout cas, Naf, comme je disais... Un lien entre rien et rien. Ok, Naf, comme je disais, on est rendu à la fin. Fait que, ben, c'est encore à toi de parler. Oh, présente-nous ta foutue tour de recette étoile. Oui, c'est le spécial Naf. Non, je pense que non. Donc, on est rendu à la toune de la fin. Ouais. Et puis, la toune que j'ai choisie, qui est parce qu'elle est bonne, il n'y a pas de raison particulière, c'est pas comme ça a fité avec le thème. C'est la toune Less Talk, More Rock du groupe Freeze Pop. Vous la connaissez peut-être, elle était dans Guitar Hero 2. Alors, ceux qui ont déjà joué, c'est la quatrième toune qu'on débloque. Mais il semble qu'elle était bonne. Mais peut-être qu'elle était bonne. Bon, ben, on écoute ça. Haïku de la semaine. Attention, madame, vous êtes grosse, c'est pathétique. Trop de chocolat. Et donc, je précise que la toune que vous entendez présentement, Let's Talk More Rock, est disponible évidemment sur iTunes parce que c'est là que je l'ai pognée. Ou sur Guitar Hero 2. Ouais, mais sur iTunes, on peut l'acheter pour une pièce. Au lieu d'acheter Guitar Hero 2, qui maintenant, je pense que quand on le trouve, il est comme 60 pièces. Parce que les magasins font comme « Il est rare !» Puis le monde, ils le veulent, alors on va le vendre. Pour vrai. Mais oui, tu sais bien, c'est toujours comme ça. Non, il dit ça parce qu'il a travaillé au Game Buzz. Et c'est vrai que c'est pas de même partout. Et c'est fin. Fin. Hot and sweaty, bodies packed from wall to wall. The someone yells, let's talk more rock. Mostly.